Chapitre 4. Un don à double tranchant. Minas dormit-il aussi tranquillement que d'habitude? L'histoire ne le mentionne point. Endormi ou éveillé, son esprit était probablement ému comme celui d'un enfant à qui l'on a promis pour le lendemain un magnifique joujou. Quoi qu'il en fût, le jour avait à peine frappé le sommet des collines, qu'aussitôt le roi Midas s'éveilla complètement et, allongeant les bras hors du lit, commença à porter les mains sur tout ce qui se trouvait à sa portée. Il était impatient de vérifier s'il était vraiment doué du toucher d'or, selon la promesse de l'étranger. Il mit le doigt sur une chaise qui était à côté de lui et sur différents meubles. Mais quel ne fut pas son désappointement en voyant les objets conserver leur ancienne substance. Une crainte vint s'emparer de son esprit. Ce radieux personnage était-il un vain songe ou bien s'était-il moqué de lui? Et quelle désillusion si, après tant d'espérance, il devait se contenter d'un peu d'or laborieusement amassé par des moyens ordinaires au lieu d'en créer par le simple toucher. Dans son impatience, Midas n'avait pas vu que la lueur douteuse qui éclairait sa chambre était due seulement à l'aurore, qui commençait à ouvrir les portes du ciel. Il était retombé sur sa couche, désespéré d'avoir vu s'évanouir ses illusions, et s'attristait de plus en plus, quand tout à coup un trait lumineux pénétra par la croisée et dora le plafond au-dessus de sa tête. Il sembla à Midas que ce rayonnement produisait sur les blanches couvertures de son lit une réflexion d'un aspect singulier. En regardant de plus près, quels furent son étonnement et son bonheur à la vue de ces draps de toile transformés en tissu de l'or le plus pur. Il avait eu le toucher d'or à l'heure précise annoncé par son hôte mystérieux. Midas, transporté de joie, s'élança dans la chambre en touchant tout ce qui lui tombait sous la main. Il saisit une des quenouilles de son lit et elle se transforma immédiatement en une magnifique colonne d'or cannelée. Il écarta le rideau de la fenêtre afin de contempler plus clairement les merveilles qui l'accomplissaient. Et le gland s'appesantit à son contact en un poids d'or massif. Il toucha un livre posé sur la table. Ce livre prit l'apparence d'un volume splendidement relié et doré sur tranche, comme on en voit souvent aujourd'hui. Mais il en tourna les pages debout du doigt, et ce ne fut plus tard qu'une réunion de minces feuilles d'or sur lesquelles ce qu'on avait écrit était devenu complètement illisible. Il se hâta de s'habiller et fut dans le ravissement en se voyant revêtu de magnifiques habits de drap d'or, conservant toute leur souplesse et tout leur moelleux, malgré la pesanteur de l'étoffe passablement accrue. Il tira son mouchoir de poche ourlé pour lui par la petite Marie d'or. Aussitôt ce mouchoir prit un éclat nouveau. Tout, jusqu'à la trame du tissu et aux jolis petits points bien nettement piqués par la charmante enfant, tout fut changé en or. Cette dernière transformation parut ne pas plaire entièrement au roi Midas. Il aurait voulu conserver intact ce mouchoir que sa petite fille lui avait mis dans la main en grimpant sur ses genoux. Mais au bout du compte, c'était une bagatelle qui ne méritait pas qu'on s'en affectât. Midas prit alors ses lunettes, il les mit sur son nez pour voir plus distinctement où il en était de sa lecture. À cette époque, les lunettes n'avaient pas encore été inventées pour le commun des mortels, mais existaient seulement à l'usage des souverains. Sans cela, comment Midas en aurait-il possédé une paire? Cependant, à sa grande confusion, tout excellent que fussent les verres, il découvrit qu'il lui était impossible de rien distinguer. Mais c'était la chose du monde la plus naturelle, car en les ôtant de sa poche, les deux parties transparentes s'étaient subitement changées en petites plaques de métal jaune. Les lunettes, tout en augmentant de valeur, avaient perdu leur utilité. Cette circonstance frappa Midas assez désagréablement, car avec toute son opulence, il ne pourrait plus jamais posséder une paire de lunettes capables de lui servir. « Ce n'est pas une grande affaire, après tout, » se dit-il en lui-même, avec une résignation stoïque. « De grands avantages ont toujours quelques inconvénients. Le don du toucher d'or vaut bien le sacrifice d'une paire de lunettes, à condition du moins qu'on ne perde pas la vue. Mes yeux me serviront pour tous les besoins ordinaires de la vie, et ma petite fille sera bien assez grande pour me faire la lecture. » Le sage roi Midas s'était si exalté par sa bonne fortune que son palais n'était plus assez grand pour le contenir. Plein d'enthousiasme, il descendit de son appartement et sourit de satisfaction en observant que la balustrade de l'escalier s'était métamorphosée en or bruni, à mesure que sa main glissait sur la rampe. Il leva le loquet de la porte, naguère de simple cuivre, mais transformé comme le reste au premier contact de ses doigts, et courut à son jardin. Il y trouva une grande quantité de roses en pleine fleur et d'autres à moitié épanouies ou en boutons naissants. Leur parfum embaumait la brise du matin. Il n'y avait pas au monde de nuances plus délicieuses et plus agréables. Tant de grâce, tant de modestie, de tranquillité, de charme paraissaient à la fois s'exhaler de ces roses. mais Midas avait un moyen de les rendre beaucoup plus précieuses à ses yeux, et il s'empressa de courir de rosier en rosier, exerçant son don magique avec une activité infatigable jusqu'à ce que chaque fleur, chaque bouton, les vers même cachés au sein des corolles, fussent changés en or. Pendant qu'il se livrait à cette occupation, le roi Midas fut appelé pour déjeuner, et comme l'air vif du matin lui avait ouvert l'appétit, il se hâta de rentrer au palais. Je ne sais pas positivement en quoi consistait à cette époque le déjeuner d'un roi, et n'ai pas le temps de faire à ce sujet de profondes recherches. Néanmoins, tout me porte à croire que ce jour-là, le déjeuner se composait de gâteaux sortant du four, de petites truites d'eau vive, de pommes de terre grillées, de frais et de café pour le roi Midas, et d'une tasse de lait avec des tartines pour la petite princesse. En tout cas, c'était un déjeuner présentable pour un roi, et si le menu n'est pas exact, Midas ne pouvait en avoir un meilleur. La petite Maridor n'avait pas encore paru. Son père la fit appeler, et se mettant à table, attendit l'arrivée de l'enfant pour commencer à manger. Midas aimait réellement sa fille, et son affection était encore plus vive ce matin-là, en raison de la bonne fortune qui lui était échue. Tout à coup, il l'entendit venir par les corridors, pleurant à chaudes larmes. Cette circonstance l'étonna vivement, car la petite Marie était l'un des enfants les plus joyeux qu'on peut voir, et dans toute son année, elle ne versait pas de larmes de quoi remplir un dé. En entendant ses cris, Midas eut l'idée de la consoler par une agréable surprise. Il se pencha sur la table, toucha le bol de sa fille, belle porcelaine ornée de peintures délicates, et le transforma en or. Cependant, Marie poussa doucement la porte. Elle entra en sanglotant et son tablier sur les yeux. « Eh bien, ma pauvre petite, » s'écria son père, « qu'as-tu donc aujourd'hui par une si belle matinée ?» Marie d'or, sans ôter son tablier de ses yeux, étendit la main pour montrer une des roses transformées par Midas. « N'est-ce pas que c'est magnifique ? » dit-il. « Et qu'a donc cette belle rose pour te causer tant de chagrin ?»« Ah, mon cher père, » répondit l'enfant, « elle n'est plus belle, cette rose. C'est la plus laide qu'on puisse voir. » Aussitôt habillé, j'ai couru dans le jardin pour vous faire un joli bouquet, parce que je sais que vous aimez les fleurs, et qu'elles vous plaisent davantage quand c'est votre petite fille qui vous les a cueillies. Mais, oh mon Dieu, vous ne savez pas ce qui est arrivé ? Quel malheur ! Ces roses qui sentaient si bon, il y avait de si belles couleurs, elles sont toutes flétries, toutes gâtées, elles sont devenues toutes jaunes et ne sentent plus rien du tout. Qu'est-ce donc qui a pu causer cela ? Bois, chère petite, ne pleure pas pour si peu de choses, dit Midas, tout honteux de s'avouer coupable d'un changement qui la rendait si malheureuse. « Assieds-toi, mange ton pain, mon enfant, et bois ton lait. Il te sera bien facile, d'échanger une belle rose d'or comme celle-ci, qui durera plus de 100 ans, contre une rose ordinaire qui se flétrit en un seul jour. »« Je me soucie bien de pareille rose !» cria Marie d'or en jetant la sienne avec dédain. « Celle-ci n'a pas le moindre parfum, et ses feuilles coupantes me piquent le nez. » L'enfant se mit à table. Mais elle était si préoccupée, qu'elle ne fit pas même attention à la merveilleuse transformation de sa tasse de porcelaine. Et c'était pour le mieux, car Marie se divertissait d'ordinaire à regarder les figures bizarres, les maisons et les arbres de forme étrange qui étaient peints sur le bol et qui avaient complètement disparu sous la teinte uniforme du métal. Cependant, le roi s'était versé une tasse de thé, et cela va sans dire, la cafetière avait subi une transmutation immédiate au moment où il l'avait touchée. Midas pensa en lui-même que déjeuner avec un service en or, un homme dont les habitudes étaient simples, cela devenait d'une splendeur passablement extravagante, et il commença à se préoccuper du moyen de garder tous ses trésors. Le buffet et la cuisine ne lui paraissaient pas assez sûrs pour contenir des cafetières et des tasses d'une valeur aussi considérable. Plongé dans ses réflexions, il porta à sa bouche une cuillerée de café, et en aspirant le contenu, il fut saisi de surprise au moment où le liquide toucha ses lèvres, de le sentir se transformer en substance métallique et se durcir en un petit lingot. « Ah ! » s'écria Midas avec effroi. « Qu'avez-vous donc, mon père ? » demanda Marie en le regardant avec étonnement et les yeux toujours baignés de larmes. « Rien, mon enfant, rien !» fit Midas. « Ne laissez pas refroidir votre lait. » Il prit dans le plat une des petites truites si appétissantes et, comme pour en faire l'expérience, en toucha la queue du bout du doigt. Il frémit, quand au lieu d'une truite admirablement préparée, il ne vit plus qu'un poisson d'or. Si au moins c'eût été un de ces poissons rouges conservés dans des globes de verre comme une curiosité de salon, mais non pas. C'était bien du métal, qu'on eût dit artistement ciselé par le plus habile orfèvre du monde. Les arêtes s'étaient changées en filigrane d'or, les nageoires et la queue en plaques du même métal. On y voyait jusqu'à l'empreinte de la fourchette, jusqu'à cette apparence de délicatesse et de légèreté d'une friture exécutée de main de maître, un vrai chef-d'œuvre. Mais en ce moment, le roi Midas aurait mieux aimé une truite réelle dans son assiette que cette imitation d'un si grand prix. « Je ne sais vraiment, pensa-t-il, comment je vais faire pour déjeuner. » Il prit un des petits gâteaux encore tout fumant, et l'ayant à peine rompu, il le vit, à sa grande mortification, se colorer de la teinte jaunâtre de la pâte de maïs. À vrai dire, si ça avait été un gâteau de maïs, Midas l'eût bien autrement estimé qu'il ne le fit après s'être convaincu, par le poids et la solidité de l'objet, qu'il tenait dans sa main, que ce n'était plus qu'un gâteau d'or. Désespéré, il se servit un œuf qui subit immédiatement une transmutation semblable à celle de la truite et du gâteau. « Me voilà dans un bel embarras, » pensa-t-il en se renversant sur sa chaise et en regardant, avec des yeux d'envie, la petite Marie d'or qui trempait bravement son pain dans son lait. « Avoir devant moi un déjeuner d'une si grande valeur et ne pouvoir rien manger. » Espérant, à force d'adresse et de promptitude, réussir à éviter le grave inconvénient qui l'inquiétait si fort, le roi Midas saisit une pomme de terre toute fumante et tenta de l'introduire subtilement dans sa bouche et de l'avaler tout d'un trait. Mais le don du toucher d'or avait une puissance d'action instantanée, supérieure à sa volonté. Il se sentit étouffé non par une pomme de terre succulente, mais par un lingot qui lui brûla tellement la langue qu'il en jeta un cri de douleur et, s'élançant hors de table, il se mit à sauter et à frapper du pied dans la chambre, de souffrance et de frayeur. « Mon père, mon cher père !» s'écria Marie d'or, qui était aussi affectueuse que charmante. « Qu'avez-vous? Je vous en supplie. Est-ce que vous vous êtes brûlé ?»« Ah, ma chère enfant !» répondit Midas en gémissant. « Je ne sais ce que ton pauvre père va devenir. » Et en vérité, mes chers petits amis, avez-vous jamais entendu parler d'une position aussi lamentable que celle du roi Midas? Il y avait là littéralement le déjeuner le plus magnifique qu'on pût servir à un roi, et c'était cette magnificence même qui le rendait complètement inutile. Le travailleur le plus pauvre, assis à table devant une croûte de pain et un verre d'eau, était à coup sûr mieux partagé que Midas, dont les mets délicats valaient en réalité leur pesant d'or. Et que devenir? Il avait déjà une faim dévorante. Que serait-ce à l'heure du dîner? Et ne mourrait-il pas d'inanition au moment du souper, qui, à n'en pas douter, se composerait encore de plats d'une digestion aussi difficile? Combien de jours allait-il survivre à un régime d'une substance aussi riche ?